Et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Audin, qui est doctorant en sciences politiques et qui travaille sur un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment, mais particulièrement d'actualité un peu tout le temps. Et nous allons, du coup, voilà, discuter de ses travaux de thèse qui portent sur, il en parlera un peu mieux que moi, qui portent sur la question des mobilisations protestataires en Martinique et en Guadeloupe, et plus particulièrement du rôle des syndicats voilà, dans ces activités. Bon, voilà, je vais lui laisser la parole. On va avoir une présentation qui peut durer jusqu'à 1 heure et ensuite discuter, avoir des questions ici et là-bas. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez pas bien. Et merci encore. Ok, alors déjà bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent depuis la Martinique. Je reconnais quelques têtes connues du labo, donc je vous fais un coucou à tous. Salut Aurélie. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Pierre Audin, je fais une thèse en sciences politiques. Alors je suis inscrit au Centre d'études et de recherche internationales, le CERIC, qui est un laboratoire de Sciences Po Paris, et je fais ma thèse sous la direction de Lilian Mathieu et de Justin Daniel, donc que vous connaissez bien et que je remercie pour sa présence aussi aujourd'hui. Je vais rentrer assez vite dans le sujet, donc ben, merci beaucoup hein, pour l'invitation. C'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir échanger avec des Martiniquais au sujet de la conflictualité sociale et du syndicalisme aux Antilles. Apparemment, on a une nouvelle personne. Non? Apparemment, il y a une alerte. Bon, alors, je vais rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Donc, mon travail de thèse, il porte principalement sur la conflictualité sociale aux Antilles, donc les conflits sociaux, les grèves, les mouvements sociaux en général, et plus particulièrement sur le rôle des organisations syndicales en Guadeloupe et en Martinique. C'est pour ça que mon intervention d'aujourd'hui, où je vais essayer de présenter quelques considérations à la fois à propos du syndicalisme en Guadeloupe et en Martinique et de l'histoire du syndicalisme en Guadeloupe et en Martinique, et à propos des conflits sociaux, en partant des conflits sociaux récents, donc la grève de 2009 en Guadeloupe et en Martinique. Et ma communication d'aujourd'hui, ça s'intitule « Étudier l'activité protestataire au prisme du syndicalisme en Guadeloupe et en Martinique ». Alors, il y a plus de 5 ans maintenant, en 2009, une grève générale qui allait s'étendre durant 44 jours était déclenchée en Guadeloupe à l'appel de la coalition LKP, donc le collectif Lianage contre Profitation, pour Unité contre l'exploitation. C'est un collectif de 48 organisations qui a été créé le 5 décembre 2008 et qui est toujours à l'œuvre actuellement. Donc ce collectif, il se donnait pour but de mobiliser la population guadeloupéenne contre la vie chère en désignant le système d'échange économique entre la métropole et la Guadeloupe comme étant responsable d'une hausse des prix. Et cette hausse des prix, c'est là qu'a été le premier point d'achoppement. Elle était ressentie d'autant plus durement par la population guadeloupéenne que celle-ci subit les conséquences à la fois d'un fort taux de chômage et d'inactivité, et puis d'un système économique qui fait que les prix sont beaucoup plus élevés dans les grandes surfaces notamment, aux Antilles qu'en France métropolitaine. Donc à ce constat d'iniquité des échanges était adossée une dénonciation de la mainmise des élites économiques, donc ceux qui étaient désignés comme les profitants, les profiteurs, sur les ressources insulaires, avec des élites, donc pour la nommer, hein, la classe béquée, qui était désignée comme responsable des difficultés de la population, particulièrement exposée à la pauvreté et au chômage. À partir du 5 février 2009, le K5F, donc pour collectif du 5 février, prenait le relais de la vague de contestation guadeloupéenne en Martinique à l'appel des responsables syndicalistes martiniquais et en synergie avec la population qui était descendue dans la rue. Alors avant de rentrer on va dire dans mon cadrage théorique, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui m'a amené à travailler d'abord sur le LKP en Guadeloupe et à faire le choix de me porter plus spécifiquement sur l'activité des syndicats. Alors d'abord, je voulais, moi quand j'ai commencé, ça venait d'un travail réalisé en Master 2, donc qui était un travail de recherche en sciences politiques, où je voulais travailler sur le mouvement social dans son ensemble en Guadeloupe, et puis plus spécifiquement sur l'épisode LKP. Et assez rapidement, en me penchant un petit peu, en allant gratter du côté du LKP pour savoir ce que c'était que ce collectif, je me suis rendu compte que les principaux animateurs, les principaux responsables, ceux qui avaient été à l'initiative de la coalition, bah, c'était des syndicalistes guadeloupéens. Assez rapidement pourtant, et je reviendrai plus longuement là-dessus par la suite, je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas que des syndicalistes au sein du LKP, qu'il y avait aussi des organisations politiques, il y avait aussi des associations, et que c'était vraiment présenté comme la spécificité du collectif, hein, quelque chose qui n'était pas réduit à un effort intersyndical entre les syndicats, mais à un collectif beaucoup plus large. Alors ce qui m'intéressait aussi pas mal dans cette approche du syndicalisme, c'est qu'il y a toute une vague d'études en France sur le renouveau du syndicalisme comme registre de contestation, donc du rôle qu'ont les syndicats dans les mouvements sociaux en général, et puis dans le maintien d'une activité protestataire. Et c'est une perspective qui, à mon avis, possède un fort potentiel heuristique, c'est-à-dire qu'elle a plein de choses à nous apprendre sur ce qui se passe aux Antilles, parce que les coalitions étaient portées par des syndicalistes, et puis parce que ça permet de revenir un petit peu sur certains arguments qui sont évoqués un peu hâtivement quand on parle des conflits sociaux aux Antilles, et qui sont souvent évoqués en des termes culturalistes. Hein, c'est-à-dire que les antagonismes, les positions, les conflits qu'on peut avoir dans les sociétés aux Antilles sont un peu traités à l'aune d'une spécificité qu'on évoque en termes très très généraux, en disant voilà, bon, c'est un contexte particulier, les Antilles, c'est pas exactement la France, donc c'est pas pareil, les syndicats sont pas pareils, et du coup, bon, on peut avoir des mouvements sociaux comme ceux qu'on a vus en 2009. Alors, pourtant, effectivement, mon propos n'est pas de dire que le conflit social de 2009 n'a pas été un conflit exceptionnel. Il a été un conflit exceptionnel parce qu'en Guadeloupe comme en Martinique, on a eu une grève qui a été extrêmement longue, avec beaucoup, beaucoup d'acteurs mobilisés. Toute l'économie de l'île, les deux îles ont été paralysées. On a vu des mots d'ordre particulièrement offensifs, hein, avec le mot d'ordre de grève générale, un mot d'ordre très, très suivi, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Et puis des actions coup de poing, hein, de blocage des routes, de blocage des centres commerciaux, tout un tas de choses qui participent à cette situation un petit peu exceptionnelle. Pourtant, et c'est ce sur quoi il faut insister, un mouvement aussi extraordinaire soit-il, il n'est pourtant pas miraculeux. On peut chercher des causes, et il faut chercher ces causes, à les identifier, et puis à les hiérarchiser. Notamment pour aller un peu au-delà de ce dont je vous parlais, ça veut dire une certaine tendance à l'exceptionnalité, hein, ça a été beaucoup le cas quand on regarde la façon dont les médias ont traité le conflit de 2009. D'abord, une espèce d'étonnement quant à la radicalité du LKP, hein, et puis du K5F. Qu'est-ce que c'est que ces collectifs qui prônent la grève générale, ces collectifs qu'on soupçonne être menés par des organisations indépendantistes qui voudraient l'indépendance de la Guadeloupe et la Martinique? Et puis, avec une réponse, je dirais, un petit peu facile de dire, voilà, à une situation de détérioration des conditions de vie, à la vie chère, la pauvreté, auraient répondu des collectifs très très radicaux, parce qu'il y a urgence dans la situation en Guadeloupe et en Martinique, et du coup on aurait des coalitions comme ça extrêmement radicales qui seraient un petit peu sorties de nulle part. Le second biais a été, et je pense que là aussi, hein, il doit porter une interrogation à plus sociologique que ce qui a été fait par les médias, c'est par rapport au caractère unitaire de ces coalitions. Là encore, parce qu'on aurait une situation de crise, une situation de grande difficulté pour les populations, ça justifierait pour tout un tas d'organisations qui sont très très différentes, organisations syndicales, organisations politiques, associations, de déployer un effort d'unité exceptionnel, de décréter le tous ensemble, et pour une large partie de la population, de descendre dans la rue. Alors bien entendu, le fait d'arriver à agréger comme ça dans des collectifs beaucoup d'organisations, ça joue à la fois sur le sentiment de force que se forgent les acteurs contestataires, et puis aussi ça joue sur l'image que peuvent avoir les gens dans la population de syndicalistes, d'activistes du mouvement social qui sont unis, et ça peut les inciter à les rejoindre. Mais il faut aussi se rendre compte que c'est une forme de discours sur l'action collective. Hein, le fait de valoriser l'unité d'action, l'unité entre des organisations, c'est quelque chose qui vient avant tout des acteurs contestataires eux-mêmes, et c'est plus un discours sur l'action collective que quelque chose qu'il faudrait prendre un peu comme ça pour argent comptant. Notamment parce que mettre en avant l'unité d'action, ça peut aussi cacher toute la, je dirais un peu toute la tambouille interne, toutes les hésitations, toutes les difficultés à se mettre d'accord sur une plateforme de revendication, sur des mots d'ordre, sur des pratiques de lutte. Et puis ça peut aussi cacher en partie toute la logique de concurrence, hein, qui va être extrêmement importante, et j'y reviendrai par la suite, sur la façon dont... le mouvement social va prendre ou ne pas prendre. Et puis le travail de thèse que j'essaye de mener, il essaie aussi de montrer que si l'effort d'unité il a porté ses fruits à certains moments, c'est une construction relativement fragile, et surtout c'est une construction différente en Guadeloupe et en Martinique. Le LKP et le K5F, ça n'a pas été la même chose du point de vue des organisations qui y ont participé. Alors, moi, mon travail, donc, j'essaye d'étudier la conflictualité sociale aux Antilles à travers ce qu'on appelle une comparaison socio-historique, donc en allant pencher un peu sur l'histoire des organisations syndicales et sur les orientations qui traversent le champ syndical en Guadeloupe et en Martinique, en essayant d'articuler trois niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est d'essayer de dresser... les contours d'un univers contestataire original, parce qu'il possède des enjeux spécifiques. Aux Antilles, on peut parler d'un caractère encore colonial du pouvoir, on peut parler d'une structure politique et économique des deux îles qui est particulière et qui fait office de déterminant structurel pour l'action collective, que ça soit dans les revendications, que ça soit dans, on va le voir, dans la formation des organisations. Et puis, le deuxième niveau, c'est que, à mon avis, quand on adopte ce point de vue historique sur les organisations syndicales et politiques aux Antilles, on a tout à gagner à envisager le syndicalisme comme un lieu d'insubordination pour une politique indépendantiste aux Antilles. Donc de penser l'insubordination, la remise en cause à la fois du capitalisme mais aussi du colonialisme, comme un facteur d'agrégation, un facteur de cohésion qui permette à des organisations de dépasser un peu leurs défiances réciproques, leur concurrence, en vue de mener une lutte commune, et aussi d'impulser, de polariser des luttes en dehors du lieu de travail dans lequel on envisage traditionnellement le registre syndical. Et puis enfin, dans un niveau, je dirais, plus micro, qui se joue plus au niveau des personnes, moi, j'essaye d'aller me pencher assez spécifiquement sur les trajectoires des militants syndicaux. Qu'est-ce que c'est que leur histoire à ces militants syndicaux, en essayant de faire émerger ces différentes grilles d'analyse, et puis d'essayer de comprendre à travers leur parcours quels sont les éléments, qu'est-ce qu'on peut comprendre du registre syndical aux Antilles, parce qu'il est à la fois fortement influencé par l'histoire commune aux organisations et fortement influencé par les luttes par le passé, mais aussi parce que ce syndicalisme il est capable de mobiliser largement autour de lui en raison de son implantation et puis de sa capacité à aménager des espaces d'expression, des espaces de participation, des espaces d'expérimentation en fonction de configurations locales démontrées par les syndicats. Donc dans la première partie, je vais revenir, mais ça je pense assez rapidement, sur ce que j'appelle l'archéologie de la contestation. Donc qu'est-ce que c'est que cet univers contestataire aux Antilles? Pourquoi est-ce qu'il est aussi particulier? Alors pour les syndicalistes qui étaient mobilisés d'abord au sein de LKP puis au sein du K5F, le terme profitation, il désigne avant tout le fait que systématiquement le fort écrase le faible, sans état d'âme et sans que personne ne vienne au secours du plus défavorisé. Hein, c'est ce que m'a dit Elie Domota, qui était porte-parole du LKP, quand je me suis entretenu avec lui en 2012. C'est comme ça qu'il évoquait le terme profitation. Donc voilà, c'est cet écrasement systématique du plus faible au profit du plus fort. Et puis, avec cette description, il y avait aussi la dénonciation d'une violence économique, sociale et culturelle, dont la dimension spécifiquement locale est toujours soulignée. Et cette dimension à la fois économique, sociale et culturelle, elle va permettre à la profitation de devenir un peu le réceptacle de différentes identités contestataires. Alors, en lui-même, ce terme profitation, c'est une innovation sémantique. Apparemment, il y a du mouvement en Martinique. Il y a quelqu'un qui arrive, ouais. C'est juste Yannick qui arrive. Bonjour. Alors, oui, je disais, le premier trait singulier de l'union contre la profitation, donc de l'union contre l'exploitation à outrance, il réside dans une dénonciation globale, systémique et radicale de ce qui est nommé profitation. Donc cette attitude de dénonciation, elle s'est accompagnée, et ça on va le voir, d'un effort de mise en relation entre l'économie de la période coloniale et celle de la période actuelle. Si, entre guillemets, tout un chacun s'est senti concerné par cette soif de justice contre la profitation, là je reprends encore le terme des syndicalistes, et si le LKP a pu réussir une opération d'unification au travers du thème de la profitation, c'est que ce thème évoque la continuité entre les rapports sociaux caractéristiques de l'époque coloniale et ceux de la période présente, faisant écho à un sentiment d'injustice qui est largement répandu dans la population guadeloupéenne et dans la population martiniquaise. Donc, ce qu'ont montré les entretiens que j'ai pu faire avec les syndicalistes guadeloupéens au cours du M2, c'est que le sens commun évoque bien souvent un argumentaire culturel pour expliquer les différences qui se donnent à voir dans les formes et dans les temporalités de l'activité protestataire en Guadeloupe et en Martinique. Dans le même ordre d'idées, l'histoire des deux îles et la caractérisation des formes de colonialité du pouvoir sont évoqués comme des facteurs explicatifs du recours à la protestation et sous une forme qui est essentialisée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision un peu culturaliste des mécanismes contestataires et du sens, c'est-à-dire à la fois la signification et la direction des mouvements sociaux, avec un espèce de continuum socio-historique qui repose sur deux hypothèses, à mon avis, qui sont étroitement imbriquées. La première hypothèse que je fais, hein, à partir du discours des syndicalistes, c'est que on fait souvent une hypothèse de symétrie. Donc ce seraient les différences dans le processus de colonisation entre la Guadeloupe et la Martinique, chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler, hein, le fait que la Révolution française se soit passée en Guadeloupe et dans une très moindre mesure en Martinique, que les nobles guadeloupéens étaient massivement pourchassés, guillotinés, voilà. Et puis pas en Martinique, qui aurait généré de façon un petit peu mécanique des formes endogènes de résistance qui possèdent leur logique propre. Ensuite, il y a une forme d'hypothèse de continuité avec une sorte de filiation héroïque entre les formes les plus anciennes de résistance. Voilà une filiation héroïque, par exemple, entre les esclaves fugitives, hein, toutes les pratiques de marronnage, et puis ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les mouvements anticolonialistes et les mouvements ouvriers, et puis les manifestations contemporaines de la société aux Antilles. Donc cette espèce de filiation héroïque, hein, qui ressort souvent, alors c'est beaucoup le cas quand on interroge des organisations indépendantistes, mais de dire, voilà, nous on est l'héritier des luttes du marronnage, on est l'héritier des révoltes d'esclaves, on est les héritiers des révoltes fugitives. Ce qui est vrai et en même temps qui pose question, parce que dans l'histoire du syndicalisme aux Antilles, il y a aussi toute une partie qui est empruntée, on va le voir, au répertoire d'action, au mouvement ouvrier plus traditionnel, hein, métropolitain, et que bon, c'est beaucoup plus le résultat d'une hybridation que d'une filiation qui serait un petit peu en ligne droite comme ça. Donc à mon avis, hein, les récits sur l'action collective qui se nourrissent de l'histoire des luttes et de l'imaginaire militant aux Antilles, ils ne laissent entrevoir qu'une partie des phénomènes contestataires au travers d'un prisme identitaire qui souligne les origines communes de ces phénomènes sans forcément parvenir à restituer leur densité. Alors si la conflictualité sociale aux Antilles, elle participe à révéler la nature coloniale du pouvoir et les rapports inégalitaires dont elle est le produit, force est de constater que la relative stabilité du modèle de régulation politique aux Antilles et puis les croyances qui sont adossées à cet imaginaire colonisé, voilà, avec toutes les croyances qui sont entretenues par le discours des élites, à la fois des élites économiques et des élites politiques concernant la dépendance de la Guadeloupe et de la Martinique vis-à-vis de la France métropolitaine, et bien tous ces discours et toutes ces croyances, elles participent à rendre invisibles les antagonismes sociaux Et puis, elle participe aussi à délégitimer les entreprises critiques échafaudées à son encontre. Hein. Quand le LKP ou le K5F dénoncent la mainmise des profitants, quand ils dénoncent la colonialité ou la continuité des rapports coloniaux de domination aux Antilles, bien souvent, ils se trouvent délégitimés par le discours des élites, le discours du patronat, le discours des responsables politiques, qui ont au fait de dire, bah oui, vous voulez l'indépendance, mais voilà, la Guadeloupe et la Martinique ne sont pas prêtes, vous n'avez rien à proposer comme solution de rechange. Et tout ça joue beaucoup dans le fait que les entreprises critiques contre le modèle politique et économique sont souvent discréditées. Alors, je ne dis pas pour autant que le discours critique est porté par les organisations. Il se substitue au vécu quotidien des inégalités, des discriminations ou de la domination aux Antilles, qu'on peut, à mon avis, effectivement désigner par de nombreux aspects comme colonial, mais de souligner que ces discours critiques ils vont trouver une résonance particulière lorsque les acteurs contestataires mettent en place et diffusent des catégories d'interprétation. Et ce qui m'a semblé à moi, c'est que la catégorie de profitation avait été la plus structurante dans le cas de la Guadeloupe, dans la mesure où les groupes mobilisés au sein du LKP étaient parvenus, au terme d'un travail de coalition organisationnelle et d'élaboration d'une plateforme programmatique, à en faire un levier pour la remise en cause du statu quo. Voilà, pour moi, c'est le grand tour de force de ce terme de profitation, c'est que c'est devenu une catégorie pour catégoriser l'exploitation et la domination. Et puis, la plateforme de revendication qui a été élaborée pendant le conflit de 2009 a été une remise en cause suffisamment forte du statu quo à la fois des échanges entre la Guadeloupe et la Guadeloupe et la France métropolitaine. Et puis, pour discréditer vraiment, c'est les tenants, les élites économiques et politiques. Et puis, par la suite, ce collectif qui a été le LKP et puis par la suite le K5F, ce levier de la profitation, il s'est révélé suffisamment puissant pour constituer un support d'identification qui a agrégé différents secteurs. Des secteurs qui, jusque-là, restaient étrangers à la dynamique contestataire qui est portée par les syndicalistes. C'est-à-dire que des gens de la population, des travailleurs, des chômeurs, se sont reconnus dans le discours du LKP, là où ils restaient relativement insensibles au discours des syndicalistes, sans être même des syndicalistes, et puis sans, on va dire, sans donner un sens syndical à leur action. Donc, pour terminer un peu avec cette caractérisation vraiment à gros traits et à la hache de l'univers contestataire dans lequel se sont déployés le LKP en Guadeloupe et le K5F en Martinique, moi, ce pourquoi je plaide, hein, c'est un geste, on va dire, matérialiste ouvert, comme le préconisent des gens comme Stuart Hall, donc un intellectuel britannique d'origine jamaïcaine qui est décédé là très récemment, et qui lui dit qu'il faut comprendre les sociétés antillaises comme des formations sociales qui sont racialement structurées. Et je pense que vraiment il faut comprendre la société guadeloupéenne et la société martiniquaise comme des formations sociales qui sont racialement structurées. Et parce qu'il n'existe pas encore de théorie, on va dire, universelle du racisme, enfin de théorie qui soit capable de rendre compte à la fois des caractéristiques superstructurelles, et puis, donc c'est des variables économiques et puis et sociales lourdes de ce genre de société, et puis de caractérisation sociologique un petit peu plus fine, il faut se pencher sur les divers aspects raciaux d'une manière qui soit historiquement concrète et sociologiquement spécifique. Hein, parce que ce qu'explique Stuart Hall notamment, c'est que le capitalisme, avec ses temporalités et parfois ses crises, et on peut prendre dans une certaine mesure la crise de 2009 aux Antilles comme un contre-coup de la crise économique mondiale de 2008. Hein, d'ailleurs, le terme de crise est quand même très très très très structurant et très très très très lié à celui de profitation. Bon, les crises, parfois, elles vont faciliter des identités et des solidarités collectives et des rapports sociaux de classe à l'intérieur des mouvements. C'est-à-dire, à la fois, vont favoriser le fait que ces périodes de crise, elles vont favoriser le fait que ce qu'on pourrait appeler des fractions de classe vont s'agréger, mais pas forcément sur des bases de classe stricto sensus. Et puis, d'ailleurs, y a des auteurs tels que tels que Doug McAdam, qui dans le cas de la protestation noire aux États-Unis et du mouvement pour les droits civiques, ont montré comment le contexte économique politique, il peut façonner des mouvements ethniques, des mouvements raciaux, même si ces mouvements ne présentent pas d'assises de classe ou de conscience de classe au sens marxiste du terme. Donc voilà, c'était une introduction un petit peu à gros traits, un peu à on va dire un petit peu théorique sur mon travail pour essayer de dresser un peu les contours de cet univers, de cette situation aux Antilles et puis de la situation à partir de laquelle je réfléchis. Le deuxième point sur lequel je vais revenir est un petit peu plus longuement, c'est pourquoi est-ce que je fais une analyse socio-historique. Alors, je me suis aperçu en recherchant au fur et à mesure du fait que j'interviewais des responsables syndicaux guadeloupéens, parce que, bon, pour des raisons de terrain, parce que le plus simple, c'est quand même d'aller voir des responsables syndicaux, c'est eux qu'on trouve le premier, c'est vers eux qu'on nous oriente quand on va se présenter à une permanence syndicale. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup de ces responsables syndicaux, ils étaient relativement âgés. C'est moins le cas en Guadeloupe, mais ça a été beaucoup plus le cas en Martinique. Et puis même pour ceux qui sont les représentants des mouvements politiques indépendantistes et d'extrême gauche, c'était des gens qui avaient un certain passé politique, hein, vraiment une histoire, qui étaient militants, certains depuis les années 60, les années 70. Et puis je me suis rendu compte en regardant la littérature que la littérature sur les mouvements ouvriers et les mouvements sociaux en Guadeloupe et en Martinique, elle s'était arrêtée précisément au début des années 70 en grande partie. Enfin, du moins qu'il y avait un appauvrissement sensible de cette littérature. Alors bien sûr, en Guadeloupe, on a les travaux de Gama et Saint-On sur le mouvement indépendantiste. On a les travaux de Paul Tomich sur le syndicalisme et les mouvements politiques d'extrême gauche. Et puis en Martinique, on a les travaux très classiques d'Adélaïde Merland et puis aussi des travaux on a les travaux de M. Delépine qui ont fait des travaux un peu à la croisée du militantisme et puis du travail d'historien pour essayer de donner des pistes de réflexion sur le mouvement ouvrier. Pour autant, on a assez peu d'éléments socio-historiques sur ce syndicalisme depuis les années 70 et puis sur la trajectoire des mouvements anticolonialistes depuis les années 70. Donc c'est pour ça que ce que j'essaie de réaliser dans mon travail de thèse, c'est une histoire par en bas du syndicalisme en Guadeloupe et en Martinique, en m'appuyant principalement sur la parole des militants syndicalistes des deux îles, et puis aussi sur un travail archivistique, dont les sources principales sont le matériel militant, et puis parfois, quand j'arrive à mettre la main dessus, des rapports de police, des articles de journaux. Et le but du jeu, à mon avis, dans cette approche socio-historique, c'est de comprendre d'où proviennent les clivages, d'où proviennent les contradictions, d'où proviennent ces effets de polarisation. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un petit peu des familles, si vous voulez, à l'intérieur de ces mouvements anticolonialistes, indépendantistes, de ces mouvements ouvriers, et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, au départ, hein, pourquoi est-ce que ces militants syndicalistes ont des trajectoires organisationnelles différentes. Donc ce que j'essaye de saisir, c'est d'essayer de me pencher sur les orientations qui traversent le champ syndical. Donc ces orientations, je les entends à la fois comme l'ensemble des doctrines, hein, parce qu'on va voir qu'il y a un rapport à l'idéologie assez important, des pratiques et puis des relations entre les organisations syndicales qui vont déterminer les répertoires d'action des syndicats antillais. Et puis de prendre, en faisant ça, un petit peu de distance avec la période actuelle, en confrontant des hypothèses dégagées de l'enquête ethnographique avec une analyse historique du rapport que les syndicats entretiennent avec les organisations politiques, avec les institutions, mais également, je dirais plus sociologiquement, dans les modalités de recrutement et dans leur inscription sociale. Qu'est-ce que c'est que la base militante de ces organisations en Guadeloupe comme l'UGTG? Qu'est-ce que c'est que la base de recrutement de la CDMT ou de la CGTM en Martinique? Et puis, par cette analyse des principes de différenciation des structures syndicales, d'essayer de comprendre les conditions historiques dans lesquelles ont évolué les militants syndicaux, parce que les organisations syndicales, elles se définissent en grande partie les unes par rapport aux autres, et leurs relations qui sont parfois très conflictuelles sont orientées par des enjeux qui sont propres à la Guadeloupe et à la Martinique, qui sont reconnus en tant que tels par les militants syndicalistes et qui garantissent, on va dire, un petit peu l'unité du champ syndical. Donc ce travail doit permettre de cartographier un petit peu les organisations syndicales au regard de leur idéologie, de leur implantation socio-professionnelle, de leurs instances de recrutement et de socialisation, afin de comprendre un peu ces effets de polarisation, ces effets de conflit, et puis les effets d'hétéronomie qui sont induits par l'appartenance à telle ou telle organisation. Pourquoi est-ce qu'on retrouve, par exemple, des militants multi-encartés qui sont membres à la fois de l'UGTG, du syndicat indépendantiste, et puis des groupes carnavalistes en Guadeloupe? Pourquoi est-ce qu'on retrouve des responsables syndicaux en Martinique qui sont membres des organisations politiques d'extrême gauche? Et puis d'essayer de voir comment cohabitent toutes ces identités militantes. Alors, pour revenir un peu sur la délimitation temporelle de l'étude, pourquoi est-ce que je la fais débuter aux années 70 ? Pour plusieurs raisons, il me semble un peu hasardeux d'inclure complètement la période des années 45 à 65 dans mon étude, parce que ces périodes sont des périodes de politisation pour les responsables syndicaux en Guadeloupe et en Martinique, mais on va dire que c'est un petit peu un espèce d'arrière-plan culturel qui va émailler le discours des syndicalistes, mais qui ne témoigne pas de la spécificité de ce qu'on a pu retrouver par la suite dans le LKP ou le K5F. Du moins, qui ne présage pas forcément des formes d'organisation ultérieures qu'on va voir se développer dans les années 70. Je dis ça parce que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a de nombreux épisodes de grève et d'affrontements. Pendant toute la période de ce qu'on appelle la départementalisation, donc l'accès de la Guadeloupe et de la Martinique au statut de département français, on a des grèves et des affrontements particulièrement violents qui vont ponctuer la vie des organisations ouvrières qui gravitent autour du Parti communiste. Et durant toutes les années 50, pour faire appliquer un certain nombre de mesures sociales qui avaient été prises soit par le Conseil national de la Résistance, soit même par le Front populaire en France, donc le salaire minimum, la sécurité sociale, les allocations familiales, le droit à la retraite ou même les congés payés, on va avoir une série de conflits sociaux dont l'organisation principale, hein, celle qui structure, qui mène la danse de ces conflits sociaux, est le Parti communiste, appuyé par le syndicat CGT qui fait alors office de courroie de transmission directe du Parti communiste. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, l'action syndicale en Guadeloupe et en Martinique, elle demeure largement inféodée aux directives du Parti communiste et elle ne présage pas des caractéristiques qui feront sa spécificité par la suite, c'est-à-dire une politique d'insubordination anticoloniale. Cette politique d'insubordination, donc celle qui touche vraiment à l'enchevêtrement des rapports, on va dire des rapports capitalistes d'exploitation et puis des rapports colonialistes de domination, elle vient se superposer aux luttes syndicales qui visent à l'augmentation des salaires ou à l'amélioration des conditions de travail. Et c'est au cours des années 60, à la suite de la guerre d'indépendance d'Algérie et de la révolution cubaine, qu'on va avoir les premières constitutions de velléité indépendantiste parmi la jeunesse radicalisée aux Antilles. Il y a des premières tentatives d'organisation, donc l'organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, l'OJAM, et en Martinique, et puis le groupement des organisations nationalistes guadeloupéennes, le GONG, en Guadeloupe. Et à ce moment-là, les références anticolonialistes et les figures militantes et intellectuelles qui incarnent ces mouvements anticolonialistes, donc on peut penser à des personnalités comme Frantz Fanon en Martinique ou Sonny Rupert en Guadeloupe, elles sont relativement éloignées, voire relativement hostiles à l'activité syndicale dont moi j'entends montrer les ressorts. En Guadeloupe, il faut par exemple attendre l'échec de l'insurrection de mai 67 et la répression féroce qui lui a fait suite, donc la grève des ouvriers du bâtiment qui débouche sur une répression féroce à laquelle prennent une part active une partie des jeunes à la fois du GONG et puis de certains mouvements trotskistes qui va se solder par une centaine de morts et qui va en fait donner naissance à la création de l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens à partir du moment où les militants anticolonialistes, conscients que l'insurrection armée n'est pas possible dans un premier temps en Guadeloupe, vont se tourner vers une organisation syndicale pour y réaliser un travail de masse au milieu des années 70. Et donc l'UGTG est créé à ce moment-là, hein, en 1973. Alors, un point sur lequel je veux insister et qui m'est apparu vraiment plus clairement pendant mon terrain martiniquais là, de cet été, c'est que mai 68, les épisodes de mai 68 en France ont eu un impact assez décisif sur la trajectoire des mouvements anticolonialistes aux Antilles. Alors, on pourra discuter par la suite si ça vous intéresse pour savoir pourquoi est-ce qu'on l'évoque aussi peu, hein, ce mai 68 français dans la mémoire collective des organisations indépendantistes notamment. Mais à mon avis, les années 70 constituent un tournant militant dans la vie politique en Guadeloupe et en Martinique, parce que elles peuvent être perçues comme un effet différé de l'onde de choc de la protestation étudiante et ouvrière qui a eu lieu en France au cours des années 68 et puis dans les premières années des années 70. Alors, l'action politique est menée par les organisations indépendantistes et les organisations d'extrême gauche aux Antilles. Elle est, durant cette décennie des années 70, orientée par une remise en cause radicale de l'ensemble des institutions coloniales, institutions qui se déclinent sous une forme politique, sociale ou économique. Et l'objectif qui sous-tend cette pratique d'insubordination, c'est le débordement du consensus politique qui est adossé à l'iniquité des échanges entre la métropole et les Antilles françaises. Donc un débordement qui se donne à voir à travers une rhétorique indépendantiste, qui est très très critique à l'encontre des rapports salariaux et coloniaux de domination, et puis qui possède des implications pratiques. Notamment la fréquence du recours à l'illégalité et à l'action directe. Hein. Les années 70 sont des périodes où les mouvements ouvriers se tournent beaucoup plus massivement vers l'action directe et puis des actions illégales. Et puis la volonté d'aménager par l'action collective des espaces émancipés de la domination coloniale en faisant l'apologie de ce qu'on appelle l'auto-organisation, donc en préférant aux structures syndicales et politiques classiques des comités de grève élus irrévocables, enfin tout un tas de structures qui sont des structures directement opérationnelles dans les conflits sociaux et pas des structures, on va dire des structures politiques beaucoup plus classiques comme celles que le PC mettait en place, le Parti communiste, en Guadeloupe et en Martinique. Notamment, je tiens à le souligner parce que à cette période, moi ce qui me semble c'est que le PC en Guadeloupe et puis dans une moindre mesure le PPM en Martinique sont accusés de soutenir ou du moins d'être complaisants vis-à-vis de la migration organisée dans le cadre du Bumidom, et que le PC étant aux affaires, c'est-à-dire élu à la fois dans les conseils régionaux, dans les conseils avec des députés à l'Assemblée, ils sont désignés comme étant complices de cette situation d'exploitation, donc on ne peut pas leur faire confiance et il faut trouver pour les organisations anticolonialistes des façons de s'organiser différentes. Tu me dis au niveau du temps, parce que je ne sais pas combien on en est. Là, ça, on a commencé il y a une quarantaine de minutes. D'accord, bon. Alors, je vais, il y a 35 minutes. D'accord. Donc, en parallèle, si moi j'insiste autant sur le rôle des événements de mai 68 en France, c'est que ils vont être suivis. Ces événements de 68 en France vont être suivis d'un développement important des organisations d'extrême gauche dans le monde étudiant et de tentatives d'implantation dans le monde ouvrier. Hein, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien avec l'historiographie militante en France métropolitaine. Mais cette tentative d'implantation dans le monde ouvrier de la part d'étudiants va se produire aussi aux Antilles, et à mon avis il reste à écrire l'histoire de cette génération militante. Tant l'influence du mai français sur les luttes sociales aux Antilles est très très peu étudiée. Alors la première chose pour comprendre cette influence qu'a pu avoir mai 68 en France sur les luttes aux Antilles, c'est de se pencher sur la continuité organisationnelle qu'il existe entre l'extrême gauche en France métropolitaine et aux Antilles, c'est-à-dire des organisations d'extrême gauche qui sont plus ou moins patronnées par des organisations d'extrême gauche françaises. C'est le cas notamment pour les organisations trotskistes, c'est le cas notamment pour les organisations guévaristes, et c'est le cas pour les organisations maoïstes. Donc les cercles d'étudiants caribéens qui s'étaient constitués autour des premiers militants anticolonialistes, on peut penser à l'Assemblée Générale des étudiants caribéens, la GEC, et qui possédaient déjà des relais dans certains services publics vers lesquels les jeunes antillais diplômés s'orientaient en priorité, donc on peut citer les hôpitaux, les postes, les impôts ou encore les douanes, et bien ces endroits-là vont devenir des viviers de recrutement privilégiés pour les organisations d'extrême-gauche françaises. L'adhésion des militants colonialistes antillais, qui sont souvent en rupture avec le Parti communiste depuis plusieurs années, cette adhésion à des organisations trotskistes et maoïstes, elle prend une forme assez particulière. À la fois, il y a un processus d'acculturation, et dans le même temps, il y a une démarche volontariste qui est animée par l'envie de venir former des organisations autonomes, d'investir au plus vite le champ des luttes sociales sur le terrain antillais pour développer une politique révolutionnaire. Alors, en retour, il apparaît que les organisations françaises vont apporter, outre une formation théorique et idéologique, un soutien logistique et militant décisif à la création et à l'implantation d'organisations sœurs aux Antilles. En témoigne la création des organisations politiques trotskistes antillaises, le groupe Révolution Socialiste en 1970, qui est en solidarité avec la Ligue Communiste Française, et puis Combat Ouvrier en 1971, qui est issu de l'organisation Voix Ouvrière, auquel s'ajoutent après plusieurs organisations maoïstes que je ne vais pas détailler ici. Quand je parle de soutien logistique et militant, hein, c'est que assez fréquemment, les entretiens font état de dirigeants politiques de la Ligue communiste, par exemple Alain Krivine, Henri Weber, Daniel Ben Saïd, qui font des séjours aux Antilles, qui viennent participer à des réunions publiques dans des meetings, dire leur solidarité avec les organisations d'extrême-gauche en Guadeloupe et en Martinique. Et puis aussi, il y a aussi des consignes des bureaux politiques, hein, notamment dans le cas de Combat Ouvrier. J'ai des militants qui ont évoqué le fait qu'il y avait une consigne de retourner aux Antilles pour implanter des organisations révolutionnaires dans le paysage et puis pour combattre l'hégémonie du Parti communiste sur la classe ouvrière. Donc le travail des archives militantes et policières m'a aussi permis de déceler que cette période de fondation des organisations antillaises, elle ouvre la voie à une séquence particulièrement offensive dans le champ des luttes sociales. Alors l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens aux Antilles, qui naît suite à l'échec de la stratégie d'insurrection armée et à la dissolution du GONG, va être un des fers de lance de la conflictualité sociale aux Antilles. Hein. Alors il faut savoir que le mouvement indépendantiste au moment de la dissolution du GONG va se diviser un peu entre une voie politique avec l'Union pour la libération de la Guadeloupe d'un côté, et puis de l'autre côté le syndicalisme de masse avec l'UGTG, qui va devenir pour la fraction la plus radicale des militants indépendantistes la meilleure façon de lutter contre les institutions coloniales. Et puis on va observer ce recentrage sur les luttes économiques et les conflits du travail afin de démontrer en pratique, hein, les termes qu'ils emploient, les contradictions d'intérêts qui opposent les classes populaires au colonialisme. Donc c'est à ce moment-là, si vous voulez, que en Guadeloupe, que va naître l'UGTG en 73 et qui va se développer dans un premier temps chez les travailleurs agraires, dans le secteur agricole, le secteur cannier, avec une lutte de pouvoir très très forte, extrêmement violente, hein, avec des affrontements y compris physiques entre les militants de l'UGTG et puis les militants du Parti communiste et de la CGT. Et donc avec un secteur agricole cannier qui va être conquis de haute lutte par l'UGTG, qui va devenir la première organisation syndicale devant la CGT à l'intérieur du monde agricole en Guadeloupe. En Martinique, on retrouve plus particulièrement les organisations trotskistes et maoïstes qui sont extrêmement présentes là aussi auprès des ouvriers de la CAN, à la fois sur les conflits sociaux comme sur le terrain électoral, avec des organisations gauchistes qui rivalisent de radicalité et de virulence envers le pouvoir colonial, avec notamment une forme d'hostilité envers les Blancs et qui n'exclut pas un passage à la lutte armée, soit un passage à la violence envers les populations blanches. Je vous avais ramené un feuillet que malheureusement je ne pourrais pas vous faire passer ici, on pourra en discuter par la suite, mais c'est un tract de la période de 1974 qui est édité par des maoïstes. Alors, je vais le faire passer à Audrey. Avec cette chose assez claire, donc les militants maoïstes qui sont des militants des militants communistes révolutionnaires reprochent aux trotskistes leur hostilité envers les blancs. Et donc avec un petit dessin un petit peu didactique et pédagogique où on voit un travailleur noir qui empêche un autre travailleur de taper des travailleurs blancs avec « Non camarades, seuls les ennemis du peuple méritent la bastonnade ». Voilà, parce que les militants maoïstes reprochaient par exemple aux militants trotskistes d'être trop hostiles envers les blancs et de se détourner un petit peu de va dire, du combat communiste pour faire de l'agitation et de la propagande contre les blancs. Donc je passe le document en, là, si tu veux y jeter un œil. Alors, ce qu'on va voir aussi dans ces moments des années 70, c'est qu'on va avoir plusieurs conflits emblématiques. La grève des journalistes de France Antilles, notamment, du journal France Antilles, qui sont l'occasion de développer une activité de réflexion et de propagande sur des thématiques telles que l'autogestion et le contrôle ouvrier, en convoquant l'exemple de lutte emblématique comme celle des ouvriers de l'IP. Les ouvriers de l'IP, ça a été... Dans les années 70 en France, un très fort exemple d'usine reprise en autogestion par les travailleurs, c'est-à-dire où les travailleurs organisaient eux-mêmes la production et puis organisaient la division du travail. Et donc on va voir se développer pendant le conflit des journalistes de France Antilles un soutien très très actif du GRS notamment, du groupe Révolution Socialiste, avec des mots d'ordre tels que « pas de médiation à la LIP, autogestion du journal France Antilles ». Alors, outre le milieu agricole donc, qui concentre une grande partie de l'activité contestataire, l'attraction des groupes d'extrême gauche elle est très sensible auprès de la jeunesse, des ouvriers du bâtiment, de divers secteurs du service public. Et puis cette audience, on va dire, des groupes d'extrême gauche, elle connaît son apogée à la fin des années 70 et elle se traduit par des percées électorales, locales, de certaines organisations au niveau municipal. Il y a deux mairies martiniquaises qui vont être conquises par le groupe Révolution Socialiste. Et puis celui-ci va aussi avoir des conseillers municipaux à la mairie de Fort-de-France. Donc non seulement sur le terrain des luttes, mais aussi sur le terrain électoral, on a des percées des organisations à la gauche du Parti communiste. Alors un autre point important, et là je vais rentrer dans la caractérisation un petit peu plus particulière de cette génération militante qui est en partie encore celle qui est animatrice des mouvements sociaux en Guadeloupe et en Martinique, c'est qu'on retrouve une sociographie militante particulièrement homogène de l'extrême gauche aux Antilles. Dans le cas martiniquais comme dans le cas guadeloupéen, on a un nombre très très important de responsables politiques puis syndicaux qui sont issus de ce qu'on pourrait appeler la petite bourgeoisie intellectuelle et des classes moyennes ayant connu une forme d'ascension sociale au travers des études supérieures. Et je veux dire, rapporter à ça, parce que le nombre, parmi les militants anticolonialistes d'extrême gauche, le nombre de ceux qui font des études au lycée, le nombre de ceux qui sont bacheliers, le nombre de ceux qui partent faire des études en métropole, si on le rapporte à l'ensemble de la population et à cette époque-là et pour cette cohorte de génération, elle est particulièrement élevée. Et puis, on a vraiment un niveau de ce qu'on pourrait appeler un capital culturel très très particulier de ces militants anticolonialistes à l'époque. C'est d'ailleurs pas un hasard si toutes les affaires qu'on connaît dans les années 50-60, toutes les mesures de rétorsion du rectorat à l'encontre des fonctionnaires, et notamment dans le secteur de l'éducation en Martinique, et puis pas particulièrement en Martinique, elles visent à contrôler un petit peu cette agitation gauchiste dans les lycées. Alors, c'est pas tout à fait exclu que ce surcroît de capital culturel, outre le fait qu'il ait suscité des tensions avec l'orthodoxie du PC et des affinités particulières avec l'extrême gauche, ce capital culturel, il ait pu conférer un crédit extrêmement important aux jeunes militants revenus aux Antilles pour y mener une politique révolutionnaire. Hein, c'est quelque chose dont j'avais déjà discuté avec Justin Daniel lorsque j'étais venu aux Antilles. Mais si on compare l'audience très large dont ont pu bénéficier les militants d'extrême gauche aux Antilles auprès de secteurs particulièrement pauvres et particulièrement ouvriers en Guadeloupe et en Martinique, dans des régions où l'illettrisme est encore très très répandu, on peut comparer ça avec la fortune très très diverse de l'implantation en usine des étudiants gauchistes en France. C'est-à-dire que grosso modo, ces étudiants qui reviennent de métropole pour y mener une politique révolutionnaire aux Antilles sont beaucoup mieux accueillis que ne le sont les militants gauchistes à la porte des usines en France métropolitaine où les cas sont légion, où le PC s'y oppose farouchement, où les syndicats viennent s'opposer à eux physiquement. En Guadeloupe et en Martinique, il y a des conflits, mais il y a une certaine popularité de ces jeunes anticolonialistes qui sont, dont on reconnaît l'action comme étant un peu exemplaire, qui sont mis en avant et valorisés. Ce qui expliquerait, alors, d'une part, cette difficulté du PC à soustraire les secteurs ouvriers les plus combatifs à l'influence des groupes gauchistes, ou du moins à les stigmatiser aussi efficacement qu'il l'a fait en métropole, c'est le fait que ces militants qui reviennent avec un bagage culturel important, avec beaucoup de prestige parce qu'ils ont fait des études, parce que ce sont des orateurs souvent assez talentueux, eh bien, en fait, ces militants s'appuient en partie sur des croyances et puis des hiérarchies existantes. Et ils le vivent d'autant plus sereinement qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme des avant-gardes, comme ceux qui sont les vrais, les purs et durs, les militants révolutionnaires. Donc se posent pas trop de questions par rapport au fait de s'adresser à des ouvriers malgré le clivage de classe. On peut aussi penser que leur tendance à racialiser à l'extrême les conflits sociaux, ça veut dire à se porter comme des défenseurs de la cause noire, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans les mouvements noirs aux États-Unis avec le Black Panthers, d'ailleurs partie des références de ces militants anticolonialistes, c'est une tendance de se rapprocher symboliquement de milieux ouvriers avec lesquels ils ont rompu parce que voilà, ils sont plus vraiment de la même classe sociale, mais ils vont avoir tendance à mettre en avant tous les zones de négritude et puis une certaine hostilité envers les blancs parce que ça leur confère beaucoup plus de crédit que de mettre en avant un petit peu leur trajectoire sociale qui s'est passablement éloignée du monde ouvrier. Alors par la suite, la période de reflux de l'extrême gauche, donc qui se traduit par une perte importante d'audience et qui se solde par la quasi-disparition d'un certain nombre d'organisations révolutionnaires en Guadeloupe et en Martinique, elle arrive avec l'élection de François Mitterrand en 81 qui vient vraiment marquer un coup d'arrêt pour cette période de lutte des années 70. Les mouvements sociaux qui dans l'ensemble avaient connu une autonomie croissante par rapport au champ politique dans la première moitié des années 70 en sont devenus plus dépendants à la fin de la décennie. Alors en Martinique, c'est la décision du PPM sous la houlette d'Aimé Césaire de décréter un moratoire sur l'activité indépendantiste qui va poser beaucoup de difficultés à ces velléités contestataires parce qu'ils considèrent qu'un certain nombre de revendications autonomistes ont été satisfaites, parce que des militants anticolonialistes qui avaient été emprisonnés sortent de prison. Ben ce moratoire décrété par Aimé Césaire va marquer vraiment un coup d'arrêt dans la période activiste des groupes gauchistes. Et peu à peu, au début des années 80, les militants vont s'orienter vers un travail de construction syndicale. Hein, c'est là que le groupe Révolution Socialiste va chercher à rassembler des oppositionnels de gauche et des indépendantistes à la CFDT puis à la Confédération démocratique martiniquaise du travail, à la CDMT. Qui va d'ailleurs se rapprocher par la suite d'organisations syndicales plus radicales comme Solidaires en France. Et puis, d'un autre côté, le groupe Combat Ouvrier qui va tenter de se repositionner stratégiquement au sein de la CGT martiniquaise pour pousser les derniers communistes vers la sortie, ce qu'il parviendra à réaliser en 1990 au cours d'un congrès extraordinaire. Donc si vous voulez, après cette période extrêmement active des années 70, le militantisme gauchiste il perd un peu en influence et dans les années 80 tous ces militants révolutionnaires vont entamer un travail assez patient de construction des organisations syndicales et réinvestir un petit peu leur militantisme dans le syndicalisme. Et là je vous parle de figures qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, des gens comme Philippe-Pierre Charles à la CDMT, des gens comme Ghislaine Joachim Arnaud à la CGT Martinique, sont des militants qui sont vraiment forgés par cette période-là et qui sont toujours non seulement aux avant-postes des syndicats, mais qui ont été des éléments moteurs pendant les mouvements contestataires en 2009. Alors, bon, je vais passer assez vite là-dessus, mais on retrouve aussi une activité des militantes du GRS dans l'Union des femmes martiniquaises, donc dans l'activité féministe, dans le soutien aux sans-papiers haïtiens et aux dominicains, dans la participation par la suite à ce qu'on va appeler le mouvement altermondialiste avec les forums sociaux martiniquais, et on retrouve une assez grande similarité avec la trajectoire des militants d'extrême-gauche français sur la même période. Je ne m'étends pas beaucoup plus là-dessus, mais on pourra y revenir par la suite. En Guadeloupe, la situation est un petit peu plus contrastée pendant les années 80 parce que le champ politique est monopolisé par des organisations métropolitaines classiques. Il n'y a pas d'organisation équivalente au PPM ou au MIM en Guadeloupe. On a toujours un clivage gauche-droite, Parti Socialiste, d'abord RPR et puis UMP. Et du coup, le syndicalisme indépendantiste va se renforcer et puis il va peu à peu devenir majoritaire dans la plupart des secteurs socio-professionnels, même si son hégémonie est contestée là encore par des militants trotskistes à l'intérieur de la CGT et puis dans la centrale des travailleurs unifiés. Donc ce syndicalisme indépendantiste qui va naître à la fois dans et par l'adversité va devenir en Guadeloupe un syndicalisme beaucoup plus intégral. Hein. C'est à ce moment-là que l'UGTG va tisser des ponts avec des mouvements culturels comme Aquilo, comme Vocum, qu'organisent les groupes carnavalesques, qui sont donc dans une défense et une promotion de la culture guadeloupéenne, mais toujours avec l'idée d'un réseau d'influence, si vous voulez, d'un espèce de réseau qui est capable de se mobiliser avec les syndicalistes de l'UGTG ou à leur appel. Donc, je vais maintenant passer un peu plus directement à la grève de 2009 et à ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce qu'on va observer au niveau de la coalition LKP, c'est d'abord un espèce de décloisonnement, si vous voulez, de décloisonnement autour des organisations syndicales, alors qui ont des origines vraiment assez anonymes. Dans un premier temps, ce qui va se passer en 2008, lorsque l'UGTG appelle d'autres organisations syndicales à constituer un front d'abord contre le prix de l'essence et puis contre la vie chère, c'est une adresse de l'UGTG à la suite des élections prud'homales, donc des élections syndicales, qui ont été gagnés par l'UGTG, et l'UGTG, fort de sa position, va appeler les autres organisations à dire « il faudrait qu'on fasse un espèce de réseau de réflexion et d'action, de coordination sur le prix de l'essence et puis sur la vie chère ». Et puis, peu à peu, les autres organisations syndicales vont dire « banco, on y va ». Alors, on va voir la CGT guadeloupéenne, et puis la Centrale des Travailleurs Unis, Force Ouvrière aussi. Et assez rapidement, l'UGTG va se rendre compte qu'elle se retrouve dans un jeu intersyndical dont elle ne maîtrise pas exactement tous les aspects. Donc elle va avoir une réaction assez de sursaut un petit peu, et assez rapidement elle va faire appel donc à toutes ces associations culturelles, aux groupes carnavalesques, aux petites mutuelles organisées qui sont dans ces réseaux de sociabilité, et assez rapidement la plateforme qui va donner naissance au collectif LKP va comporter non seulement des volets économiques avec tout ce qu'on connaît, hein, la revalorisation des 200 euros pour les salaires inférieurs et puis pour les pensions, pour les retraites, le gel des prix, et puis un certain nombre de volets culturels, la défense de l'identité guadeloupéenne, des mesures aussi écologiques avec des demandes d'enquête plus systématiques sur les effets du chlordécone, sur l'arrêt de l'utilisation des pesticides, tout un tas de volets sur l'agriculture aussi, pour l'autosuffisance alimentaire de la Guadeloupe. Donc là, si vous voulez, cette plateforme de revendication qui va naître aux Antilles, qui va naître en Guadeloupe, elle va donner naissance à un effort de décloisonnement, et puis assez rapidement il va y avoir des meetings et des réunions organisées en Guadeloupe et qui vont connaître une certaine affluence. C'est ce qui va se passer au mois de décembre 2008, janvier 2009. Les syndicalistes, les militants activistes politiques associatifs vont organiser des meetings contre la vie chère qui vont connaître une certaine affluence. Ils sont relativement surpris de cette affluence. Il va aussi y avoir des premières manifestations qui sont organisées en décembre, manifestations auxquelles le préfet lancera une fin de non-recevoir, ce qui va passablement aggraver la situation. Et petit à petit, le mouvement va prendre de l'ampleur. Et quand la grève générale commence à la fin janvier, il y a vraiment toute une mécanique, hein, si vous voulez, avec un collectif qui est déjà rodé, qui possède ses règles de fonctionnement, dans lesquelles les organisations sont représentées. Bref, un collectif qui est mené par des syndicalistes, mais que les Guadeloupéens n'identifient pas comme une émanation ni de l'UGTG, ni de la CGT guadeloupéenne, mais comme un collectif capable de rassembler très très largement. Et d'ailleurs, les premières manifestations témoignent largement au-delà des cercles d'influence des syndicats, d'une participation assez importante au mouvement. Alors, ce qui va se passer concernant le cas de la Martinique, c'est là où on peut se poser véritablement la question de la diffusion du mouvement, hein, parce que au prime abord, effectivement, l'idée que les premières manifestations en Guadeloupe, l'image d'une grève générale qui tourne à plein, de manifestations d'ampleur qui ont été suivies à la télévision par les Guadeloupéens et par les Martiniquais, évidemment, ça a joué un rôle dans le fait que les Martiniquais soient aussi descendus dans la rue. Pour autant, il faut prendre en compte plusieurs choses. La première, c'est que en Martinique, il y avait eu, à la suite de ce qui s'est fait en Guadeloupe, ou à peu près dans le même temps, des tentatives de réflexion intersyndicale sur la vie chère. Mais contrairement à la Guadeloupe, on ne va pas du tout avoir de collectif associatif, pas dans un premier temps, hein, de militants associatifs ou de militants politiques en tant que tels, qui vont s'adjoindre à l'effort du collectif. Hein, on reste dans un travail intersyndical entre la CDMT, la CGT martiniquaise, l'Union de l'USTM martiniquaise, enfin vraiment quelque chose d'intersyndical sur la hausse des prix, avec des meetings dans lesquels il n'y a pas foule, quoi. Ils organisent des réunions publiques, mais grosso modo, à part des gens qui sont déjà militants ou déjà convaincus, il n'y a pas une affluence record qui leur laisse présager qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue. Donc ils convoquent quand même pour le 5 février une mobilisation. Et c'est là que, aux surprises, et je dirais le nom du collectif du 5 février en est un témoignage assez éloquent, il y a 20 000 personnes dans la rue à Fort-de-France, il y a une mobilisation d'ampleur qui, dans un premier temps, va surprendre la plupart des syndicalistes. Là où en Guadeloupe, on avait vraiment une organisation qui sentait un petit peu la mayonnaise monter, hein, qui sentait qu'il y allait avoir une grosse mobilisation, en Martinique, on est sur une surprise de la part des responsables syndicaux qui très vite vont mettre sur pied une coalition, mais sur la base de l'intersyndicale. Donc ça va s'appeler collectif 5 février, mais on va pas du tout avoir le même mode d'organisation de ce qu'on va avoir en Guadeloupe. Un des éléments moi, qui me ferait dire qu'en fait, on n'assiste pas exactement à la même chose, qu'on n'a pas exactement les mêmes mécanismes de diffusion du conflit, c'est qu'en Guadeloupe, le LKP a respecté, parce que ça avait été discuté beaucoup en amont, une certaine hiérarchie des organisations syndicales. Quand on en discute avec les militants du syndicat indépendantiste, de l'UGTG, il semble relativement impossible que quelqu'un d'autre qu'Elido Mota, donc le secrétaire de l'UGTG, ait été porte-parole de la coalition. Même si on a vu apparaître des responsables syndicalistes très très unis, notamment au moment des négociations, même si ce rôle des organisations a été distribué très très en amont, on a respecté une certaine forme de hiérarchie, avec néanmoins des garde-fous pour que l'UGTG ne pèse pas plus que ce qu'elle devrait dans le LKP, mais vraiment quelque chose qui a été discuté en amont pour que ça tourne, quoi, pour pas qu'il y ait de hic au niveau de l'organisation du collectif à partir du moment où la grève générale serait déclenchée. En Martinique, on se rend compte que c'est relativement différent. D'abord, la plateforme de revendication est organisée, la nuit du 5 pour le 6. Donc les syndicalistes se rassemblent à la maison des syndicats et discutent entre syndicalistes avec des personnes qui restent qui s'agroupent progressivement, mais vraiment une discussion sur la base de l'intersyndicale où chacun se tient un petit peu se regarde un petit peu en chien de faïence et attend de savoir quelles vont être les propositions de chaque organisation pour amener ses dés dans le jeu. Et puis et désigner une personne, donc la personne de Michel Moroz, qui est un syndicaliste relativement étranger à toutes les logiques de concurrence, qui n'est pas membre ni de la CGT martiniquaise, ni de la CDMT, ni des syndicats indépendantistes, et qui est relativement extérieur à tout ça. Enfin, on a une personnalité qui n'est pas particulièrement connue dans le champ des luttes sociales. Voilà, on a quelqu'un qui apparaît comme suffisamment franc et suffisamment honnête, mais qui n'est pas tout à fait un leader charismatique à la Domota, qui avance les positions du collectif avec précaution, qui est un peu le garant de cette unité de façade du collectif, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a pu connaître en Martinique. Il faut, à mon avis, chercher plus du côté, des vieux routiers anticolonialistes comme Philippe-Pierre Charles ou comme Ghislaine Joachim Arnaud, quels ont été les ressorts d'organisation, qu'est-ce qui a pu être distribué comme consigne aux militants, comment est-ce qu'on a organisé, qui se retrouvait dans le déploiement du K5F, sur quel barrage, qui se répartissait les rôles à l'intérieur du collectif, comment est-ce qu'on organisait les prises de parole, alors que tout ça a été vraiment, encore une fois, discuté beaucoup plus en amont dans le cas de la Guadeloupe. Ce qui me fait dire à moi que, sans être une transposition totale du LKP en Martinique, le K5F a bien ses spécificités, mais qu'il n'a pas connu exactement le même ampleur. On n'a pas connu non plus des épisodes, je dirais des épisodes contestataires, tels que les négociations qui ont été filmées, au début du conflit en Guadeloupe et qui ont beaucoup pesé dans la suite de la mobilisation. Hein, l'image de ces syndicalistes arrivant devant le préfet avec des demandes concernant la vie chère, le prix de l'essence, le prix dans les grandes surfaces, et capable d'en démontrer au préfet, capable d'en démontrer à Victorin Lurel, aux membres du conseil général, à la fois aux élus, au patronat, et puis aux responsables politiques, c'est un épisode qu'on n'a pas connu avec la même intensité en Martinique, et qui n'a pas eu exactement les mêmes répercussions. Il y a eu un mouvement d'ampleur en Martinique, mais ce qui a été très très fort en Guadeloupe, c'était le sentiment de rejet vis-à-vis de ces élites, en disant, voilà, ils nous ont trahis, ils nous ont abandonnés, ils n'ont pas de solution, et ceux qui ont des solutions les plus crédibles, voilà, maintenant à l'instant T du conflit, ce sont les syndicalistes qui manifestement avaient réfléchi à un certain nombre de questions sur la hausse des prix, enfin, en témoigne la création du bureau d'études ouvrières en Guadeloupe, qui a été un organe de régulation et de contrôle des prix, qui a vérifié les prix dans les supermarchés beaucoup plus tard que ça a été le cas en Martinique. Et puis voilà, de tout un, vraiment un effort de systématisation pour désigner la profitation comme quelque chose de crédible, à laquelle on avait des solutions, quoi. Il y a un problème et on a des solutions. Donc je vais revenir à un... Peut-être encore un peu moins de 10 minutes à peu près. Oui, de toute façon, j'ai quasiment fini, donc outre toutes ces différences que j'ai pu évoquer, hein, sur vraiment la formation du champ syndical en Guadeloupe et en Martinique, il me semble qu'il y a quelque chose d'assez structurant, et y compris dans la temporalité des conflits sociaux et la forme qu'ils ont pris entre les deux îles, c'est le rapport différent qu'il y a à la politique institutionnelle. Alors je l'ai déjà évoqué assez succinctement en parlant du cas du PPM en Martinique. Il y a une certaine différence entre la Guadeloupe et la Martinique. En Guadeloupe, les syndicalistes s'appuient beaucoup sur l'argument selon lequel on ne peut pas dialoguer avec les élus ni avec le patronat, et on ne peut pas faire confiance aux hommes politiques, absolument pas et en aucune circonstance. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Martinique dans le discours des syndicalistes, mais avec un peu moins de force. Et je veux dire, c'est quelque chose qui est moins employé pour montrer que le recours à la grève, à l'action directe, ont du sens. Je veux dire par là que si cette posture de défiance envers les institutions, elle ne fait pas mécaniquement basculer les organisations syndicales dans un registre contestataire, elle participe à leur conférer un sens. Et que c'est quelque chose qu'on va voir très très présent dans le discours de l'UGTG notamment, qui va dire en Guadeloupe, voyez, quand on fait grève, on n'est jamais écouté par les élus. Et c'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est relativement vrai, hein, quand l'UGTG est à l'origine d'une grève en Guadeloupe, les élus n'y vont pas, vous n'allez pas avoir des élus qui vont s'enquérir des problèmes, d'un éventuel plan social, des demandes, des requêtes des travailleurs, ça n'existe pas trop. De la même façon, lorsqu'il y a des débordements, des actes illégaux, des actions de violence, ou même des licenciements qui pourraient être caractérisés comme abusifs, l'UGTG va mettre en place tout un dispositif qui n'oriente pas systématiquement les travailleurs vers des instances paritaires ou des instances de prud'hommes, mais beaucoup plus vers des procès politiques, des procès un petit peu spectaculaires et à rallonge, dans lesquels ils vont défendre leur point de vue sur la question, donc le fait que les gens ont été licenciés pour discrimination, que c'est une manifestation du colonialisme. Et donc vous allez vraiment avoir un rapport d'opposition très très très clivé avec des syndicalistes et des responsables politiques qui ne se parlent très très très peu. En Martinique, notamment parce que le PPM césariste a mis en place a débauché un certain nombre de cadres du syndicalisme d'une part, a maintenu des liens avec certaines structures syndicales, et puis a mis en place des politiques redistributives et puis des politiques, on va dire, un petit peu plus à l'écoute de ce qu'on pourrait appeler globalement la démocratie sociale ou le monde du travail, des politiques un peu plus favorables, y compris avec leur versant clientéliste, hein, qui est pas du tout à nier ici, mais du moins avec une certaine capacité d'écoute et de mise en œuvre, de mise en équation, de résolution des problèmes dans la vie publique. Un certain arbitrage des litiges du travail en s'appuyant sur des syndicats comme la centrale syndicale des travailleurs martiniquais, ça a beaucoup limité les marges de manœuvre des organisations syndicales en termes de pratiques contestataires. Elles pouvaient pas se mettre en avant de façon aussi clairement offensive et aussi clairement rejeter aussi clairement le champ politique organisé en Martinique qu'en Guadeloupe. C'est plus compliqué. Et ça leur donne moins de crédit quand ils vont agir de façon en prenant la grève générale, en prenant le recours à l'action directe ou à certaines formes d'illégalisme. Alors, pour conclure, là j'ai présenté des éléments assez généraux sur le champ syndical en Guadeloupe et en Martinique. J'ai pas détaillé ni les organisations, ni vraiment leur histoire. J'ai essayé de présenter des éléments qui me paraissaient les plus structurants. Je suis pas revenu non plus sur le déroulement des conflits en tant que tel, sur leur chronologie, sur les épisodes un peu détaillés, sur les ressorts de concurrence qu'il pouvait y avoir entre les organisations et sur les épisodes contestataires en eux-mêmes. Alors à la fois les négociations qui ont pu avoir lieu, mais aussi l'activité émeutière, les blocages, les barrages. C'est des choses que j'ai laissées un petit peu en suspens, mais sur lesquelles on peut revenir parce que c'est des éléments tout à fait intéressants du répertoire d'action collective, donc des modalités de l'action collective aux Antilles. Moi, par rapport à mon terrain et puis par rapport à mon travail de thèse, j'ai toujours deux grands questionnements. Hein, c'est qu'est-ce que sont devenus tous ces militants pendant les années 80, parce que c'est une période qu'ils hésitent un peu à évoquer. Cette période de reflux entre la période des luttes anticolonialistes et la période plus actuelle où il y a un regain du syndicalisme de lutte aux Antilles, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment est-ce qu'ils ont vécu cette baisse de l'activité militante? Et puis la deuxième question qui à mon avis demande un travail plus d'ampleur et puis plus de durée ethnographique, c'est d'essayer de comprendre les ressorts de l'implication populaire. C'est-à-dire comment est-ce que des gens qui d'habitude ne participent pas aux mouvements sociaux, voire qui sont plutôt méfiants vis-à-vis des projets indépendantistes des syndicats, méfiants vis-à-vis de leur aspect, je dirais, contestataire ou révolutionnaire à tout craint, ont décidé de descendre dans la rue, ont décidé de les rejoindre, même si j'ai un peu une piste là-dessus, hein, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très intéressant à aller voir des militants de base et pas des responsables d'organisation qui sont rentrés de façon assez récente dans le syndicalisme après ces événements-là. Parce qu'ils n'ont pas forcément tout le discours, on va dire, tout le rapport à la doctrine que peuvent avoir les militants plus anciens. Et puis parce qu'ils font plus facilement part de leurs hésitations, des choses qui les gênent un peu, qu'ils ne trouvent pas complètement cohérentes dans la pratique syndicale. Et du coup, ils ont beaucoup à dire sur la façon dont des gens ordinaires rejoignent des mouvements contestataires d'ampleur sans se retrouver complètement sur une ligne indépendantiste ou sur une ligne d'extrême gauche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va avoir du temps pour discuter maintenant sur la présentation. Et puis voilà, la parole est à Schulcher. Juste un petit mot pour dire, alors merci beaucoup hein, Pierre pour ta présentation. Alors on a commencé un peu en retard, je propose qu'on dépasse du coup l'heure peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, si ça vous va, si vous n'avez pas cours juste après, si vous voulez bien. Jusqu'à 40, comme ça on a une quarantaine de minutes de discussion. Bon, on verra qui peut rester. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu nous excuseras, Audrey, parce que moi j'ai proposé aux étudiants qui suivent la cours d'initiation sociaux de venir ce matin, et je pense que certains auront des obligations. D'accord, oui, bien sûr, mais en tout cas, voilà, s'il y en a qui veulent, il n'y a pas de problème. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions de votre côté?